nous saluons chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Tunasalimia kila mmoja wenu jina la Bwana Yesu Kristo. Levons-nous pour la lecture de la parole. Tusimame njoo kusoma neno la Mungu. Dans Jérémie au chapitre 29. Yeremia sura 29. Jérémie 29. Yeremia sura 29. Dans son verset 11. Mstari yake ya 11. Jusqu'au verset 14. Hata mstari ya 14. Jérémie au chapitre 29. Yeremia sura 29. Dans son verset 11. Mstari yake ya 11. Jusqu'au verset 14. Kufika mstari ya 14. Ayez l'habitude d'amener vos Bibles. Uwe na zoezo ya kuwa na mabiblia yenu. Quand vous amenez la Bible à l'église, wakati unakuwa na Biblia yako kanisa, vous devez la lire pendant toute la durée de la prédication. Unapasha kuisoma Biblia yako kadiri ya wakati wote wa mahubiri. Les versets qui sont lits ici, vous lisez ensemble avec le prédicateur. Mistari ya Biblia tunasoma hapa, unaisoma pamoja na mhubiri. Les versets qui sont cités, vous les notez pour aller les lire à la maison. Na mistari ya Biblia ile banataya unaandika njoo kwenda kuisoma kunyumba. Nous avons déjà instruit cette église. Tunesha fundisha hii kanisa. Nous n'acceptons pas de téléphone pendant le service. Atutikie kutumia kwa foni wakati ya ibada. Dans l'église, nous utilisons la Bible. Ndani ya Biblia tunatumia, ndani ya kanisa tunatumia paka Biblia. Avant de quitter chez toi à la maison. Et usema mbele yako kondoa kunyumba. Prenez soin d'amener ta Bible. Beba Biblia yako. Notre Père céleste. Baba yetu uliye mbinguni. Merci encore une fois de plus. Asante tena mara nyingine. Parce que en ce jour de jeudi. Jumui siku ya kazine. Nous avons été comptés parmi les vivants. Tulihesabiwa munkunji ya bale beko bajima. Ce soir, tu as mis encore une soif en nous. Imangaribi uliweka tena kiu ndani mwetu. Pour venir en ces lieux. Jakuya paifazi. Les lieux qui t'a été destiné. Mahali ile ilitoa kwako. Les lieux qui t'a été consacré. Mahali ile ilitolewa kwako. Notre lieu de rendez-vous avec vous. Mahali yetu ya kusanishwa pamoja na wewe. Pour que tu viennes nous bénir. Ili upate kuja na kutubariki. Que tu viennes nous sauver. Ukuye utuokoe. Que tu viennes nous sanctifier. Upate kuja kututakasa. Que tu viennes nous guérir de toutes nos maladies. Upate kuja na kutuponya kwa magonjwa yetu yote. Que tu viennes trouver solution à tous nos problèmes. Upate kuleta jibu kwa mambo yetu yote. Seigneur, maintenant descend. Bwana, sasa upate kushuka. Parce que tu nous l'as promis. Njoo ulitulaka vile. Que là où s'assemble deux ou trois. Ya kwamba mahali mawili watatu wanakusanyika. Au nom de Jésus Christ. Mujina la Yesu Kristo. Toi tu viendras au milieu de. Oui, utakuwa katikati yao. Il est doux et agréable que les frères soient ensemble. Ni upole ni akupendeza kwa wanduku kwa pamoja. Maintenant viens Seigneur. Sasa kuja Bwana. Parce que nous croyons que nous sommes unis comme un seul homme. Juu tunaamini kwamba tunakusanishwa sawa mtu mmoja. Pour recevoir les instructions de ta part. Juu kupokea mafundisho kutoka kwako. Et pour recevoir les bénédictions rédemptrices du calvaire. Na njoo kupokea mabaraka ya ukombozi ya ukalvario. Bénis chacun de nous. Ubariki kila mmoja wetu. Réponds aux requêtes. Ujibu kwa mahitaji. Même les requêtes qui sont cachées dans les fins fonds de nos cœurs. Hata mahitaji yenye kuficha mupana ya sana ya mioyo yetu. Donne-nous la compréhension juste de ta parole. Utupatie usikilivu ya haki ya neno lako. Pour notre salut. Jua wokovu yetu. Bénis la parole que nous allons lire. Ubariki neno tutasoma. N'oublie pas les frères et les sœurs qui nous suivent. à travers les ondes. Kusisabu ibanduku na badada bone tufuata kwa njia ya internet. Que la même bénédiction qui est avec nous ici. Baraka moja moja ile tuko nayo hapa. Les accompagne. Iwashindikize na bo vile vile. Merci Seigneur. Accente bwana. Du début à la fin. Mwanzo kufika mwisho. Que ton nom soit loué. Jina lako lisifiwe. Au nom de Jésus Christ. Mujina la Yesu Kristo. Te prions ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. Amen. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Kwani minajua mapu inye nilitunga juu yenu. Dit l'Éternel. Wa milele amesema. Projet de paix mama, et non de malheur. Mamapu ya salama apana ya ole. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ili nipate kumpatia maisha na tumaini. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Kwani minajua mapu nilitunga juu yenu wa milele amesema. Projet de paix et non de malheur. Mapu ya salama apana ya ole. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ili nipate kumpatia masiku ya kumbele ya mzuri na ya tumaini. Vous m'invoquerez. Mtanyalika. Et vous partirez. Na mtaenda. Vous me prierez. Mtaniomba. Et je vous exaucerai. Na mitemkubali. Vous me chercherez. Mtanitafuta. Et je me laisserai trouver. Na ntajatilia mupate kunipata. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Kama mukinitafuta kwa moyo wenu wote. Je me laisserai trouver par vous. Ntajatilia mupate kunipata wa milele amesema. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana aongeze baraka yake kusomia neno. Dieu a de très bons projets sur les élus. Mungu kona mapu ya mzuri zaidi sana juu ya wateule. Et les projets que Dieu a avec nous, na ile mapu ile konayo Mungu juu yetu. D'abord, il veut nous rassurer un avenir. Kwanza anapenda kutuhakikishia masiku ya kumbele. Et deuxièmement, na ya pili, notre avenir a de l'espérance. Maisha yetu ya kumbele iko na tumaini. Dieu n'a jamais voulu le malheur de quelqu'un, d'un homme. Mungu hayapendaka kamwe ole ya mutu. Ce n'est même pas dans la pensée de Dieu. Na ile aina ta muwazo ya Mungu. Dès les premières heures, tangia kule kumwanjo, lorsque Dieu créa l'homme et l'a mis sur la terre, wakati Mungu aliumba mutu na kaumweka pa dunia, il avait créé pour la vie. Alimumbaka juu ya kuishi, juu ya uzima. Il avait créé pour qu'il ait toujours une bonne santé, une santé meilleure, alimumbaka, une santé éternelle. Alimumbaka ili mtu apate kuwa na afya njema, afya ya milele. Dieu l'a créé pour un bonheur éternel. Mungu alimumba mtu juu ya raha ya milele. Dieu l'a créé pour la joie éternelle. Mungu alimumba mtu juu ya furaha ya milele. Ça, c'est la volonté première et parfaite de Dieu sur l'homme. Na hii, ni mapenzi ya kwanja na kamilifu ya Mungu yulu ya mutu. Si nous retournons dans l'éternité, kama tukirudia mumilele, et que nous voyons tous les projets que Dieu avait formés sur l'homme, na tunaona mapu yote ile Mungu alitunga juu ya mutu, c'est toujours des projets de bonheur. Ni paka tu mahamapu ya raha. Et cette pensée-là, Dieu l'exprime plus tard dans le Nouveau Testament. Na ile wazo, Mungu anaonesha kule kumbele sasa mwagano jipya. Quand Paul écrit à Timothée, wakati Paul anamwandikia Timotheo, il dit il est agréable. Anasema iko ya kupendeza. Et cela est dans le plan de Dieu. Na ile iko mumapu ya Mungu. Que tout homme soit sauvé. Na kama mtu yote apate kukolewa. Peu importe qui il est. Aizuru kile eko. Et peu importe ce qu'il fait. Na aizuru inyeko nafanya. Mais la chute nous a séparés de Dieu. Lakini kuanguka kwa mtu katenganisha na Mungu. La chute kuanguka nous éloigna de Dieu. Kwa kupeleka mbali na Mungu. Et aujourd'hui, na leo, chacun de nous a un devoir sacré. Kila mmoja wetu iko na ile mapasho takatifu. Comme Dieu avait créé l'homme non pour le perdre mais pour la vie. Sabile Mungu aliumba mtu anaenda kumpoteza lakini njoo uzima. Bien que le péché nous a séparés. Hata bila dhambi liwezi kututenganisha. Mais la soif de Dieu. Lakini kiu ya Mungu. La faim de Dieu. Njaa ya Mungu. Demeure dans tout homme. Inadumu ndani ya kila mtu. Qui qu'il soit. Awe nani wala nani. Mais dans les élus. Lakini ndani ya wateule. Il y a une soif particulière. Muko kiu ya upekee. Et c'est aux élus. Nani kwa wateule. Que Dieu adresse cette exhortation. Ndio bale Mungu eko na bapatia hii maonyo masubutisho. Vous me chercherez. Mutanitafuta. Et moi Dieu, je me laisserai trouver par vous. Na mi Mungu tajatilia mwe mpate kunipata. Mais à une seule condition. Lakini kanuni moja tu. Si vous me cherchez de tout votre cœur, kama mukinitafuta kwa moyo wenu wote, je me laisserai trouver par vous. Tajatilia mupate kunipata. En d'autres termes, munamna ngina kusema, je dis, Mungu anasema, si vous me cherchez avec négligence, kama mukinitafuta na kusula na achilio, si votre cœur n'est pas attaché à moi, kama moyo wako haina yenye kuambatana nami, s'il n'y a aucune affection, vous ne manifestez aucune affection envers moi. Kama aonesha hata upendo kidogo kwangu. Si votre cœur n'est pas avec moi, kama moyo wako haina pamoja nami, je ne me laisserai jamais trouver par vous. Sitajachilia kamwe mupate kunipata. L'église est avec moi. Eti kanisa unafuata. Voilà la raison fondamentale pour laquelle. Tazameni sababu inyewe ya msingi. Les croyants hybrides. Ile lafanya wale waaminifu wa mchawa kuchanganyika. J'ai apprécié beaucoup les commentaires que notre pasteur a fait. Na nilifurahikia sana ile pasteur wetu alisema. Voilà la raison pour laquelle. Bon, sababu inyewe. Les croyants hybrides waaminifu bale ndani mwabo mko mawazo ya kimuntu na ya Mungu ne peuvent jamais abawezi kamwe et alors jamais na kusema kamwe atteindre leur objectif abawezi kufika ukifukuzio yabo ne peuvent jamais abawezi kamwe être victorieux dans leur combat wapate kwa na ushindi katika mvita yabo. Leur cœur n'est pas tout entier à Dieu. Moyo yabo haina kabisa kabisa yote kwa Mungu. Leur amour n'est pas tout entier à Dieu. Mapendo yabo haina yote kwa Mungu. Tout leur sentiment n'est pas en Dieu, n'est pas entièrement avec Dieu. Mania yabo haina kabisa kabisa pamoja na Mungu. Toute leur force yabo et toute leur pensée na wazo yabo yote n'est pas entièrement avec Dieu. Haina kabisa kabisa pamoja na Mungu. Voilà pourquoi il manque de persévérance. Mone basi jwani kwabo hakuna kudumu. Et ils ne peuvent rien recevoir de la part du Seigneur. Na bawezi kupokea kitu hata kimoya kwa Bwana. Ils ont une foi hybridée. Biko na imani ya mchangambeko. Ils ont un amour hybridé. Biko na mapendo ya mchangambeko. Ils ne prennent jamais de décisions fermes dans ce qu'ils font. Ababibake kamwe mamipango ya imara katika yote libo nafanya. Parce qu'ils agissent toujours avec légèreté. Biko na tenda kila mara paka na achilio. Ils pensent que Dieu était magicien. Banawazia kwamba Mungu ni magicien wa kufanya ni mchawi. Ils oublient que Dieu agit sur base de sa parole. Banasaba kusema Mungu anatenda kufuatana na neno lake. Vous devez respecter la parole de Dieu mot à mot. Mnapasha kuheshimu neno la Mungu kila nukta na kila nukta. Pour espérer la réponse. Ndio pate kutumainia jibu. De notre Dieu. Kwa upande wa Mungu wetu. Les croyants hybrides. Baminifu ba mchangambeko. N'ont pas de persévérance. Abana na kudumu. Parce que leur cœur. Juu moyo wabo. N'est pas tout entier au Seigneur. Aina kabisa kabisa yoni kutolewa kwa Bwana. Dieu n'est pas leur l'or. Mungu ananjo zaabu yao. Ils ne cherchent pas Dieu. Aba mtafute Mungu. Comme ceux qui cherchent de l'or sawa, et de l'argent. Sawa bale banatafutaka zaabu na feza. Dieu n'occupe pas la première place dans leur cœur. Ndani amio yabo Mungu asibebe fazi ya kwanza. Comme nous vous avons dit, ce sont des fainéants. Des gens qui ne font rien. Des gens qui ne travaillent pas. Qui ne veulent pas travailler dans le royaume. Ils aiment être dorlotés. Ils aiment être flattés. Même en ce qui concerne leur propre vie, leur propre salut. Mais la semence originelle qui garde la parole pure de vérité, au contraire, c'est elle qui persévère jusqu'à la victoire. Pour une semence originelle, lorsqu'elle prend la décision, wakati anabeba mpango, de chercher quelque chose, ya kutafuta kitu fulani, elle ne peut jamais s'arrêter à mi-chemin. Awezi kama kushimamia katikati ya njia, peu importe les obstacles. Aizuru bizuio. Rien ne peut l'arrêter. Hakuna kitu cha kuweza kumsimamisha. Jusqu'à ce qu'il obtienne. Hata kufika pale apate kupata. Ce qu'il cherche. Kile kuna tafuta. Sa décision. Mpango, sa foi. Imani yake. Mpango la victoire. Iko namupeleka paka kuushindi. Comme nous l'avons montré hier. Sabili tulionesha jana. Pour avoir la vie de Dieu. Ili upate uzima ya Mungu. Pour avoir quelque chose de la part du Seigneur. Ndio upate kitu fulani kwa upande wa Bwana. Si il lui faut mourir. Kama inompasha kufe. Elle mourra. Atakufa. S'il faut qu'elle soit abandonnée, elle accepte volonté d'être abandonnée. La mort pour lui n'a pas de valeur. Mais ce qui est important, qu'il reçoive de Dieu ce qu'il cherche. S'il faut tout perdre, volontiers, il acceptera de tout perdre. Pourvu qu'il gagne Christ. Et pourquoi tout empate Christ? C'est ça la semence originelle. C'est ça l'élu de Dieu. Pas de négligence. Hakuna kusula. Pas de relâchement. Hakuna achilio. L'élu est armé de courage. Muteule yuko mekushikwa na udari. Il vise un objectif. Eko na fukuzia paka kushaba yake. Il faut qu'il soit vainqueur. Inapasha akwe mshindaji. C'est à ce moment-là qu'il aura le repos. Njoo mwili wakati sasa atawezi kupumzika. C'est ce qui manque à beaucoup de frères. Njoo ile nakosa kwa wanduku wengi. C'est ce qui manque à beaucoup de sœurs. Njoo ile nakosa kwa badada ba mingi. Dans le domaine spirituel. Mumambo ya kiro. Dans la chrétienté. Katika kristiani. Dans Philippiens au chapitre 3. Ou à Philippe au sura 3. Prenons le verset 7. De mustari ya saba. Jusqu'au verset 8. Atafika mustari ya munani. Mais lakini les choses qui étaient pour moi des gains, bitu bile bilikuwa kwangu sawa faida, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Nilibitazama ama kupoteza jutu ya Kristo. Toutes ces choses qui avaient de la valeur devant moi, bitu biote bilikuwa mbele ya macho yangu bilikuwa kasa bya bei, je les appréciais. Nilikuwa nabifurahikia. Je me poumonais pour les avoir. Nianza kujitoa na nguvu yangu yote nja kupata. Quand je connais Christ. Wakati ninamjua Kristo. J'ai tout considéré comme une perte. Nikaona biote sa nikupoteza. Parce que je voulais gagner Christ. Juu nilipenda kumpata Kristo. Je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue. Afin de gagner Christ. Ndu ya kumupata Kristo. Voyez comment Paul parle ici. Munaona namna gani Paul niko nasema hapa. Après que cet homme de Dieu. Kisha huyu mtumishi wa Mungu. Il rencontre Christ sur le chemin de Damas. Tarishana na Kristo munjia ya Damasiki. Il est allé en Arabie. Akenda kule kwa Arabie. Sous la conduite du Saint-Esprit, Mkongozo na Roho Mtakatifu, il s'est mis à étudier la Bible. Akaanza kujifunza Biblia. Le Saint-Esprit est descendu. Roho Mtakatifu akashuka. Pour lui révéler. Ndio akumfunulia. La parole de Dieu. Neno la Mungu. Pour lui donner la révélation de qui était Jésus. Ndio akumpatia ufunuo ya kile Yesu alikuwa. Il a connu Jésus. Wakati alimjua Yesu. Il a vu son importance dans sa propre vie. Wakati aliona mafaa Yesu ndani ya maisha yake ya upekee. Il a tout abandonné. Akaacha byote. tout ce qu'il considérait comme des gains pour lui. Il les a traités comme de la boue. Une seule chose préoccupait le cœur de Paul. Il n'avait pas tout abandonné pour qu'il soit seulement apôtre ou un frère de Pierre, un frère de Jean. Qu'on l'appelle frère. Voilà, même Duku à Petro, à Buitetu, à Seman Duku, à Pan. Il a tout abandonné. C'est pour gagner Christ. Djou, y'a comme pas ta Christ. Il avait renoncé à tout. Alikana bitu biote. C'est pour gagner Christ. Djou, y'a comme pas ta Christ. C'est ce que beaucoup de frères et sœurs n'ont jamais fait abaya fanyaka et n'ont jamais compris. Na abaya elewa. Tant quelqu'un reçoit la révélation, wakati mutu anapokea ufunuo, que c'est Christ qui est tout pour lui. Ya kwamba ni Kristo ndio yuko yote juu yake. Si vous gagnez Christ, kama ukimpata Christo, vous avez tout. Uko na biote. Le ciel t'appartient. Mbingu inakuwa yako. La terre t'appartient. Bulongo inakuwa yako. Nous allons hériter cette terre. Tutariti I bulongo. C'est même la raison fondamentale pour laquelle na ndio sababu inye msingi. Nous ne faisons pas de la politique. Si atufanye siasa. C'est la raison fondamentale. Quand le diable a élevé Jésus pour lui dire, regarde le monde entier, la terre toute entière, elle m'appartient, c'est moi qui domine. Si tu m'adores, je vais te le donner. Jésus a refusé. Pourquoi? Il savait que lui-même était héritier. Chaque chose a son temps. Kila kitu ni wakati yake. C'est vrai, frère. Ibya kweli nduku. Quand tu as Christ, wakati uko na Kristo, la terre t'appartient. Dunia ni yako. Le ciel t'appartient. Mbingu ni yako. Le paradis t'appartient. Paradiso ni yako. Tout ce qui renferme le ciel et la terre t'appartient. Dieu lui-même Mungu ye mwenyewe t'appartient. Anakuwa wako. La joie fura t'appartient. Inakuwa yako. La vie éternelle t'appartient. Ni yako. La santé éternelle milele t'appartient. Ni yako. Tu as tout. Uko na biote. C'est vrai. Ibya kweli. Je regarde toutes choses. Inaona vitu vyote comme une perte. Inakuwa sasa ni kupoteza. L'argent, pesa, c'est une perte. Ni kupoteza. Les maisons, manyumba, une perte. Ni kupoteza. Les jeeps, majeep, une perte. Ni kupoteza. Les honneurs, maheshima, une perte. Ni kupoteza. La gloire, utukufu, une perte. Ni kupoteza. L'argent, pesa, une perte. Ni kupoteza. Les femmes, banamuke, c'est une perte. Ni kupoteza. Les maris, banabwana, une perte. Ni kupoteza. Les enfants, batoto, c'est une perte. Ni kupoteza. Tout ce que nous avons, ce sont des mensonges. Ni bongo tu. Il n'y a rien d'éternel. Akuna takimwa kia milele. Mais en Jésus, lakini ndani ya Yesu, nous possédons tunapata toutes choses bitu biote, d'éternité milele, en éternité. Na milele. C'est pourquoi Njo kwa mana, chrétien véritable, mon Christ ou akweli, prédestiné à la vie, mon yali tangulia kutayarishwa njoo ya uzima, ne néglige rien dans sa vie. Hakuna kitu kile na sulo maisha yake. Na ala na misère, et il n'a pas de plaisanterie, mbili ambayo yuko nafanya, dans ce qu'il fait. Il n'a pas besoin d'être dorloté. Ana lazima ba mbembeleze. Ni par l'église, voilà kwa kanisa, ni par le pasteur, voilà kwa pastori, ni par le conducteur, voilà kwa ongozi. Non, bien aimé frère. Hapana ndugu mpendwa. Non, bien aimé sœur. Hapana dada mpendwa. Il a un objectif. Eko na kifukuzio yake. Et son objectif c'est Christ. Na kifukuzio yake ni Kristo. Il ne joue pas la religion. Une semence originelle. Quand elle découvre la lumière de la vérité, quand il découvre la connaissance de Christ, les plaisanteries s'arrêtent. Ma misa, ikuna simama. La négligence s'arrête. Kusula kote, maisha ikuna simama. Il n'est pas mou, n'est pas paresseux. Ana muvivu, ana muzembe. Ne fainéante pas. Ana muntu ogora chabitu bia ovyo maisha yake. Il n'a pas besoin d'être exhorté. Ana lazima ba musubutishe. Dans le domaine spirituel. Mambo ya kiro. Vous ne pouvez pas les supplier, l'exhorter, de venir à l'église. Il y a pas de kanisa. Apana. Tu ne peux pas l'exhorter à la prière. Même lorsqu'il branche, il n'a pas besoin de longues exhortations pour se repentir. Il y a pas de kutubu. Quand il est indifférent avec son frère, avec sa sœur, il n'a pas besoin d'être exhorté pour le pardonner. Frère. Il n'a pas besoin d'être exhorté pour aimer son frère, pour aimer sa sœur, pour supporter son frère. Non, ma sœur. Pourquoi? Dieu a nini. Il a une faim. Eko na njala. Et il a la soif du Dieu vivant. Na eko na kiu ya Mungu mujima. C'est la soif du Dieu vivant. Ni kiu ya Mungu mujima. Qui le met en garde. Dieu kona muweka anakuwa wa kusopa. Qui met en lui de l'attention. Il est là où il est dans les mois qui nous croient engalisho. Qui lui permet d'éveiller. Là où la mourousse a pas été coquée. Sur ce qu'il fait dans sa vie. Nous là il est on a fait un maïsha yaki. Pour ne pas offenser Dieu. Dieu a chimkwaze Mungu. Pour ne pas hybrider la parole de Dieu. Il a passé pour changer neno la Mungu. Pourquoi? Dieu a nini? Il veut. Anapenda. Que lui et la parole. Yeye na neno. Soit un. Va pas te quoi kitu moja. Il a en lui quelque chose. Qui a soif moja, de Dieu. Qui ya Mungu. Qui a soif de la véritable parole. Kile kuna kiu ya neno la kweli. Il n'y a que la véritable parole. Ni paka tu neno la kweli. Qui satisfait son âme. Mjengo na shibisha nafsi yake. C'est vrai, frère. Bia kweli nduku. C'est vrai, ma sœur. Bia kweli dada yangu. C'est pourquoi quand vous n'avez pas soif de Dieu. Kama wewe unakosa kiu ya Mungu. Il y a quelque chose de faux avec ton expérience. Dans Psaume 42, dans son verset 3, mon âme a soif de Dieu. Nafsi yangu iko na kiu ya Mungu. Du Dieu vivant. Ya Mungu mujima. Mon âme a soif du Dieu. Nafsi yangu kuna kiu ya Mungu. Du Dieu vivant. Ya Mungu mujima. Un élu. Teule. A soif d'un Dieu réel. Eko na kiu ya Mungu wa kweli. Pas de fable. Apana madisi. Pas un Dieu imaginaire. Apana Mungu wa mafikili. Comme tu adores avec nous. Sasa kuna butu pamoja na sie. Ne vous en faites pas, tu as déjà Dieu. Ushangaike huko una Mungu. Non, frère. Apana nduku. Non, ma sœur. Apana dada yangu. C'est la raison fondamentale pour laquelle. Ndio sababu inyeo ya msingi. Un élu. Uteule. Gardera toujours la parole de Dieu pure. Atendila kuchunga neno la Mungu safi. Dans son cœur. Ndani ya moyo wake. Parce qu'il sait. Juu ya anajua. que la parole hybride ne peuvent jamais le conduire au Dieu vivant. Ils ne peuvent jamais expérimenter les choses véritables de Dieu, les choses réelles de Dieu, sans parole véritable. Il sert la parole dans son cœur. La parole de vérité. La soif d'un Dieu réel, d'un Dieu vivant, capable de le sauver, capable de le délivrer entre les griffes de l'ennemi, capable de diriger sa vie, capable de le bénir, capable de le protéger. Oui, bien aimé frère. Oui, bien aimé sœur. C'est à cause de cette soif qui se trouve dans l'élu, la semence originelle de Dieu. C'est à cause de cette soif que un élu, il combat pour chaque centimètre de la parole, pour qu'elle soit une réalité dans sa vie. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Un élu n'est pas un fainéant, n'est pas un paresseux. Voyez, j'insiste beaucoup sur les deux termes là. Un élu n'est pas un fainéant et il n'est pas un paresseux. Un élu doit combattre pour chaque centimètre de terrain de la parole. Qui le neno l'amour il a sema. La parole de Dieu dit. Il n'a pas jamais qu'il combattre. Il doit se battre. Jusqu'à ce que qui le mungu a sema. Jusqu'à ce que ce que Dieu a dit. Il sema. Ou ce que Dieu a dit. Il couvre le dans la maïsha yake. Une réalité dans sa vie. C'est ça un élu. Dieu m'utéule oule. C'est ça la semence originelle. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. C'est comme faut banam la toujours. Dit. C'est Dieu qui avait choisi Israël. C'est Dieu qui avait sorti Israël de l'Égypte. C'est Dieu qui avait envoyé Moïse avec la colonne de feu pour le conduire dans le pays de la promesse. C'est Dieu qui avait partagé la mer rouge. C'est Dieu qui avait nourri son peuple dans le désert. Voyez, la manne est tombée du ciel. L'eau est sortie du rocher. Les vêtements ne s'est jamais usé. Dieu a pris soin d'eux. Quand le temps est arrivé, ils ont traversé les Jourdains. C'est Dieu qui leur avait donné le pays. La colonne de feu les conduisait, les a conduits jusque dans le pays de la promesse. Quand ils traversaient le Jourdain, le pays était devant eux. Mais un pays non conquis. Un pays qui appartenait à Israël, mais qui était occupé par les ennemis. Et Dieu leur dit, le pays où coulait le miel, vous n'êtes plus en Égypte, vous n'êtes plus dans le désert, vous avez déjà traversé la mer rouge, vous avez traversé le Jourdain, et là, je vous ai nourri, je vous ai gardé en bonne santé, mais maintenant, le pays est devant vous. Prenez le pays. Dieu n'est pas descendu pour combattre pour Israël. Josué s'est contenté de partager le pays parmi les 12 tribus. Et pour que chaque tribu prennent possession de l'héritage que Dieu leur avait donné en Cana. Ya uriti ile Mungu alibapatia mule mukana na. Il devait combattre. Ile kabila ilipasha kukombana. Jusqu'à la victoire. Hata kufika kupata ushindi. Oui frère. Ndio nduku. Il fallait verser le sang. Ilipasha kumwanga damu. Les autres sont tombés. Bengine balianguka. Pour chasser les ennemis. Njaku fukuza badui. Et pour récupérer le territoire. Na njaku beba bulongo. La tribu de Juda. Kabila ya Yuda. A fait négligence il est sous là. De conquérir la bande de Gaza. Il y a beaucoup bébé le boulongo à Gaza. Regardez ce qu'il y a. Gaza mène les membres coucoule ça. C'est la négligence de la tribu de Juda. Wa kabila ya Yuda. C'est un territoire qui appartient à la tribu de Juda. Boulongo boule kabula kabila ya Yuda. Leur négligence. Kusula kwabo. Au lieu de les chasser. Bali aboku bafukuza. Au lieu de les combattre. Bali aboku bakombanisha. Au lieu de les tuer. Bali aboku baua. Ils sont arrivés. Balifika. Ils ont fait des alliances. Bakanza kufanya malabo magano. Avec les Philistins qui habitaient en Gaza. Wale walikuwa mu Gaza. Et quand ils ont fait des alliances, na wakati walifanya nabo magano, ces incirconcis, wale watu washo kutairiwa, se sont mis maintenant, bakanja sasa, à observer Israël, kuangarishisha Israël, qu'est-ce qui fait la force d'Israël, nini naleta nguvu ku Israël, ils ont observé longtemps, bakamwangarishisha wakati mrefu, ils ont même découvert, bakavumbula, les faiblesses, mauzaifu, d'Israël, ya Israël, de Juda, ya Yuda. Et Juda a commencé Yuda, Kanza, à échanger les enfants. Nabo, batoto, les jeunes gens prenaient babiana, les filles des Philistins. Et les garçons des Philistins prenaient les filles d'Israël. Ya Israeli. Voilà la conséquence. Sasa, après combien d'années? Aujourd'hui, Léo, le Gaza, Gaza, ce sont des épines Nimiba, dans les yeux d'Israël. Macho à Israël. Depuis l'Ancien Testament, Kali, tous les héros sont tombés à Gaza. Pourquoi? Ils étaient paresseux, négligents, pour conquérir. Pour ce qui est des choses de Dieu, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, les choses de Dieu sont difficiles, bigumu, mais elles ne sont pas impossibles. Il n'y a rien d'impossible pour celui qui a la foi en ule, Dieu. Parce qu'avec Dieu, nous avons la victoire. Quand Dieu t'ordonne de faire quelque chose, Fais-le, Dieu sera avec toi pour te donner la victoire. Il n'y a aucune promesse dans cette Bible ici qui est impossible pour un véritable chrétien. La véritable semence royale d'Abraham, ça n'existe pas. C'est vrai frère, c'est vrai ma soeur. Mais vous devez combattre. Lakini unapasha kukombana. Oui. Ndio. Vous devenez un chrétien. Unakuwa mkristu. Non pas pour fainéanter dans l'église. Apana na chilio mkanisa tu wa kwacha bio tapana. Pour ne pas dormir dans l'église. Njoo kulala mkanisa. Pour plaisanter dans l'église. Njoo kufanya mizamu kanisa. Non frère. Apana nduku. Nous avons cru au Seigneur. Nous sommes devenus des chrétiens. Unakuwa wakristu. C'est pour combattre. Njoo kukombana. Pour chaque centimètre de la parole de Dieu. Sehemu ya Mungu. Jusqu'à ce que nous soyons un. Atatuka tupate kwa mmoja. Na ile neno. C'est la vérité. Libia kweli. Si vous êtes fainéant, kama uko wa mtu wa ovyo, vous ne recevrez rien. Wa kuachilia tu vitu maisha. Si vous attendez que Dieu vienne, kama akuye, qu'il fasse un miracle, afanye mujiza, pour que tu deviennes un croyant, une croyante, tu passeras ton temps. Utapitisha wakati yako kwa bure. Tous les matériels sont dans la Bible. Vyombo vyote viko ndani ya Biblia. Oui bien-aimé frère. Ndio nduku mpendwa. Oui bien-aimé sœur. Ndio dada mpendwa. Vous devez combattre. Unapasha kukombana. Pour chaque centimètre de l'écriture. Pour chaque centimètre de la parole. Pour qu'elle soit une réalité dans votre vie. Kipate kwa ukweli ndani ya maisha yako. Notre époux est la parole. Arusi bwana arusi wetu ni neno. Nous l'épouse, nous devons être la parole. Si bibi arusi wake tunapasha kwa neno. Il faut que nous soyons identifiés. En toute chose, à la parole. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. On doit combattre. Tuna pasha kukombana. Pour chaque centimètre de la parole. C'est vrai, frère. Quand on a la Bible, si tu lis la Bible, on a coupé la Bible. Et tu trouves que la Bible, il a promis telle chose. Quand on a si dans les Écritures, on a coupé ça manjiko. Tu trouves que travers les Écritures, Dieu a promis telle chose. Ah ouais, tu comprends? Bras croisés. Tu ne peux pas rester les bras croisés pour la et tu attends que la chose descende du ciel. Non. C'est votre devoir de vous mettre à genoux. C'est votre devoir de prier. C'est votre devoir de supplier Dieu. D'implorer le Seigneur. Selon sa volonté. Selon sa parole. Jusqu'à ce que la promesse qu'il vous a donnée soit une réalité dans votre vie. Il faut que vous puissiez dans la maïsha yako. Oui, bien-aimé frère. Oui, bien-aimé sœur. Si vous lisez dans la Bible, il dit les croyants. Quiconque croit, il est sauvé. Il est né de nouveau. Mais quand tu crois, la nouvelle naissance ne doit pas être imaginée. La nouvelle naissance doit être une réalité. Ça doit être une vie en vous. Quand vous lisez l'Écriture, dans la Bible, que Dieu pardonne le péché. Et que toi dans votre cœur, vous avez une condamnation pour un péché que tu as commis. Vous devez combattre jusqu'à ce que le pardon soit une réalité en vous. Soit une vie en vous. Si Dieu a promis la guérison, vous devez combattre. Vous devez garder la parole. Vous devez avancer avec Dieu jusqu'à ce que la guérison soit une réalité. Si vous lisez dans la Bible, Dieu a promis le baptême du Saint-Esprit. Frère, ma soeur, ne vous reposez pas jusqu'à ce que le baptême du Saint-Esprit soit une réalité, une vie en vous. Si vous lisez dans la Bible, dans la Bible que Jésus-Christ habite le cœur des gens, ça ne doit pas être une imagination. Vous devez combattre pour que cette écriture-là, pour que Jésus soit dans votre cœur, jusqu'à ce que ton cœur soit une habitation de Christ. C'est vrai, frère. Vous devez combattre pour chaque promesse. Parce que dans la Bible, devant Dieu, Dieu ne prononce pas des mots vides. Non, bien-aimé frère. Dans la parole de Dieu, dans la foi, dans la chrétienté, toute chose est une réalité. C'est vrai, frère. Il n'y a pas d'imagination. Il n'y a pas d'imaginaire. Tout est réalité. Dans la parole de Dieu. C'est vrai, frère. La sainteté est une réalité. La paix est une réalité. L'amour est une réalité. La patience est une réalité. Tout est réalité. La joie du salut est une réalité. Il n'y a pas de choses imaginaires. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Et nous devons combattre pour cela. Bien aimé, frère et soeur. Comme toute promesse, toute parole est une réalité. La chrétienté aussi est une réalité. La vie de Christ est une réalité. La vie de sainteté est une réalité. La nouvelle naissance est une réalité. Le baptême du Saint-Esprit est une réalité. Tout est réalité. Et toute la réalité de Dieu doit s'identifier dans votre vie. Ne restez pas dans l'église en train de présumer. Non, frère. Non, ma sœur. Papa Nadada. Tu es dans l'église. Où qu'on a wagi à Kousema. Tu présumes que. On est Jacocolé. Oh non, je suis pas sauvé. Tu penses que. Tu prétends être enfant de Dieu. Et n'y a pas le fait d'être enfant par prétention. Il n'y a pas le fait d'être un enfant de Dieu par prétention. Ou soit tu es un enfant de Dieu. Soit tu es un enfant du diable. Ouais, bien aimé frère. Il n'existe pas de salut par imaginaire. Il n'y a pas de Saint-Esprit imaginaire. Il n'existe pas de sainteté par imagination. Ou alors comme une femme suivie. Ouais, bien aimé frère. Ouais, bien aimé sœur. Et il faut combattre. Il n'a pas chaque combat. C'est ça le problème. Joe Mambo. Les dénominations. Batu Mazebu. Ont embrouillé les gens. Mazebu livruka watu. Les dénominations. Mazebu. Ont corrompu. Yaribisha les gens. Batu. Avec des faux enseignements. Na mafundisho ya bongo. Vois bien mes frères. Naona ndugu mpendo. Vois bien mes sœurs. Naona dada mpendo. Dans la parole de Dieu. Ndani ya neno la Mungu. Vous devez combattre. Unapasha ukumbane. Pour chaque centimètre. Dieu a kila sehemu. L'église est avec moi. Et kanisa unanifuata. Aussi longtemps. Wakati yote. Que ce qui vous a été promis dans la Bible. Ni barikulaka mbibia. N'est pas encore une réalité dans vous. Haya kwa ukweli ndani yako. N'est pas encore une vie en vous. Haya kwa uzima ndani yako. N'est pas encore manifesté en vous. Haya onekanika ndani yako. Tu n'as pas le droit de te reposer. Una na ruhusa ya kupumzika. Jusqu'à ce que hata kufika wakati vous ayez ce que Dieu vous a promis. Upate kile Mungu alikulaka. Vous dormez sans le Saint-Esprit. Uko nalala bila kuwa na Roho Mtakatifu. C'est faux. Vous attendez que le pasteur vous dise. Pasteur akonesha kusema parce que tu as donné de l'argent au pasteur. Ulipatia pasteur feza. Alors le pasteur dit non, tu es un pasteur anasema wewe uko mtoto wa Mungu. Le pasteur peut t'encourager. Pasteur anaweza kukankamisha. Ce n'est pas lui. Aina yeye. Son témoignage n'est pas toujours vrai. Ushuhuda yake aina kila mara ya kweli. Les frères peuvent bien témoigner. Banduku banaweza kuleta ushuhuda mzuri yule yako. Parce que tu es un homme bon. Jo uko mtu mwema. Tu es une femme gentille. Uko mwanamke mwema. Même le monde dans le monde. Hata mdunia. Il y a des hommes bons. Uko bantu bena. Il y a des hommes gentils. Uko bantu benye la bonté mwema, wema. Et la gentillesse. Na kwa mtu wa kuya kuishi na watu ana njo ukovu. Voyez bien mes frères. Unaona nduku mpendo. Le salut est une autre chose. Ukovu ni mambo ingine. Dieu dans la vie de quelqu'un est une autre chose. Mungu maisha ya mtu leo ni mambo ingine. Voyez bien mes frères. Unaona nduku mpendo. Ne soyez pas hybridés. Même dans vos expériences. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma sœur. Nous devons apprendre à combattre pour chaque promesse, pour chaque centimètre de l'écriture, pour que la parole de Dieu soit une réalité en nous. S'il faut perdre votre honneur, s'il faut perdre votre vie, s'il faut perdre votre travail, s'il faut perdre toutes les choses du monde ici, pour gagner Christ, tu dois combattre jusqu'à ce que ce que Dieu a promis soit une réalité. Que Dieu vous bénisse. La maladie des frères. Magonjwa banduku. La maladie des sœurs. Magonjwa badada. Ce sont des fainéants. Ni batu basho kutumika. Des paresseux. Bavui bavivu. Des négligents. Batu benyikwala kusula. Ils ne comprennent pas. Abelewa kusema. Les choses de Dieu. Abelewa bitu. D'une bonne manière. Unamna mzuri. Ils pensent que. Anawazia kusema. Dieu. Mungu. Est un magicien. Ni wakufanya magie. Dieu fait toutes choses. Mungu anafanya vitu vyote. Par sa parole. Kwa njia neno lake. La foi. Imani. Vient de ce qu'on entend. C'est qu'on entend, vient de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui vous montre le chemin par où tu dois passer pour que la grâce de Dieu vienne à ton secours. Ce n'est pas le fait de venir, tu entres, unengia, tu sors, unatoka, tu chantes, unaimba, tu sors ta petite dîme, tu donnes, on t'appelle frère, nduku, on t'appelle sœur, dada, que tu auras quelque chose de la part du Seigneur. Kitu fulani kwa upande wa Bwana. Il est au Konejibuta, tu es en train de t'amuser dans les choses de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous avons quitté les dénominations. On a tout compris. Dieu a eu le bon goût à cause de ce mensonge-là. Il est tout baptisé. On t'a baptisé. On est déjà aux alliés. Tu es déjà né de nouveau. Étant donné que tu as mangé l'hostie, tu as le Saint-Esprit. Étant donné que tu as lavé les pieds des saints, tu es déjà sanctifié. Bongo. Mensonge. Vile ukana kabula feza. Que tu es libéral, tu donnes l'argent. Déjà la nyumba kumbini. Tu as déjà une maison Bongo. Au ciel. C'est faux. D'ailleurs, il est qu'on a kufikisha. Il y a ce qui nous amène à chanter, c'est le Saint-Esprit. Dans l'église, on t'a toujours vanté. Non, tu chantes bien. Tous ces musiciens-là qui vous chantent à Kinshasa ont-ils le Saint-Esprit? Tous ces prostituées, ont-elles le Saint-Esprit? Ils chantent la Bible. Ce sont des religieux qui chantent pour l'argent. Mais des prostituées, des démons, ils n'ont rien de Dieu dans leur cœur. Non, on voyez-vous. C'est le Saint-Esprit que tu as. Kabula ina Rome takatifu. Le fait de donner aux autres, ce n'est pas le Bill Gates, c'est qu'on a Kabula et qu'on a Bill Gates a des ONG, il a. Est-ce que tu peux user des libéralités comme Bill Gates? Il y a des homosexuels qui font des dons $10 millions. C'est pour cela qu'ils ont le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui les envoie pour faire ça. Le salut, Dieu, est une autre chose. Si vous ne comprenez pas exactement la trompette de l'évangile, tu perdras ton salut. Tu ne verras pas Dieu. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Ne fainéantez pas dans l'église. Ne soyez pas paresseux dans l'église. Le travail dont je parle ici, c'est l'exercice. C'est le travail de l'âme. Aïna mambo ya machamba. C'est le passage que j'ai dit. Peut-être que j'ai parlé ça comme en parabole. Il est cage, il est cage, il ni mambo ya nekwanga ya cage ya nafsi yako. Le travail de ton âme. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Dieu a mangé bien léo. Lève-nous à partir du baril qui tout simplement Dieu a coombe. Nous continuerons. Tout à indélice. Chaque centimètre de la parole. Qui l'a sait, Mouyaneno. Nous devons combattre pour ce. La pâche à Koutoumiki aïe. Parce que Dieu est clair. Dieu mungue kowazi. Si vous me cherchez, de tout votre cœur, moi je me laisserai trouver par vous. Mais il m'a dit pata ni pata. Pas ceux qui fainéantent. Prions. Père Céleste, c'est toi qui es le Dieu de nos âmes. Tu nous enseignes et tu nous parles selon la Bible. Parce que tu ne veux pas que l'un de tes élus soit séduit. Seigneur, tu as parlé, Père, je parce que tu as pu nous attendre. Je réponds, Seigneur, nous sommes écoutés.